Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du RPG A Day 2017. L'avant-dernière question de ce RPG A Day est la suivante. Quel mixage de genre aimeriez-vous voir en JDR? Waouh, alors là, on peut complètement partir en vrille. Donc, c'est compliqué comme question. Et peut-être que finalement ce que je vais citer existe déjà, et franchement si ça existe, n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais ravi de le trouver, en tout cas curieux de lire ça. Mais ce que j'aimerais bien tester, c'est un mix d'univers Medfan, jouant des archétypes de Medfan, des guerriers, des clercs, des paladins, etc., etc., mais avec une approche qui ne soit pas du tactical, ni même à base de moves considérant le fait de monter à l'assaut ou d'envoyer une volée par exemple, puisque finalement c'est une autre façon de voir pour générer de la narration, mais ça reste quand même finalement du medfan avec de l'action. Mais j'aimerais plutôt du medfan à base de drama. Alors je sais pas si c'est deux genres différents, mais j'aimerais une approche où finalement on puisse avoir des dilemmes moraux, des vrais liens avec les personnages, parce que j'apprécie énormément Dungeon World, mais les liens entre les personnages sont quand même ténus, et mis à part le fait d'aider ou d'embêter un des personnages, ça sert pas à grand chose. C'est un peu cosmétique, je trouve. Alors qu'avoir une version, j'ai envie de dire, alors je vais exagérer bien sûr, mais le fait d'exagérer va vous permettre de comprendre un peu ce que j'aimerais, mais d'avoir une version de Monster Heart à la mode Donjons et Dragons, ben franchement, je serais très très curieux de voir ça. Où le paladin se poserait de véritables questions avant de faire un Smite Evil, par exemple, où le prêtre se poserait des questions également sur son dieu, et sur le fait de faire le bien ou le mal en fonction du dieu qu'il vénère. Ouais, tout ça, ça m'intéresserait bien d'essayer. Parce que la vie du groupe en tant que tel, c'est quelque chose de super intéressant et important. On pourrait avoir quelque chose qui soit proche un peu du JDR masque, dont j'ai parlé une fois, où on jouerait entre guillemets l'adolescence des aventuriers, et où ce qui serait important, ce ne serait pas le fait d'avoir une épée à deux mains plus un, mais bien les relations entre les personnages et au cours de l'action, comment est-ce que leur relation et leur rancune va les avantager ou les désavantager pour battre le gobelin qui est en face. Donc ouais, j'ai envie de dire, du medfan drama, ben franchement, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Si ça existe, franchement, dites-le moi, je serais très curieux de lire ça. Et si ça n'existe pas, ben les gars, vous savez que l'idée vient de moi. Donc si vous touchez des sous après avec, bah on se fait un petit MP et puis je vous donne mon RIB, hein, vous inquiétez pas les gars, il y a aucun souci. On trouvera de quoi s'arranger et tout ça, il y a pas de problème. Bon, je reconnais, c'est l'avant-dernière vidéo, donc je me suis un peu lâché. Mais l'idée que je vous donne est de mon côté sérieuse. Donc on peut en discuter. Et puis vous, c'est quoi qui vous intéresse? Bon, moi je vous laisse. Demain c'est la dernière vidéo. Oh mon dieu, déjà. Eh ben j'espère qu'on sera là demain, puisqu'on va parler de 2018. Peut-être avec une annonce ou pas. En tout cas, moi je vous dis que je serai là demain. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, jouez bien!